pas être une entrave à tes envies. Je veux te suivre, pas me perdre. Laissez l'imaginaire harmoniser nos vies. Passer comme le vent, apaiser comme le ciel, enivré comme la mer. Passer comme le vent, apaiser comme le ciel.